Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2. Gaumet-Duprès 1861. Question 4. Des conditions requises pour la béatitude. Ces conditions sont la délectation, la vision, la possession de l'objet aimé, la droiture de la volonté, même la présence du corps convenablement disposé, et la société des amis, comme complément. 1. La délectation est-elle requise pour la béatitude? Saint Augustin a dit, « La béatitude est la joie qu'inspire la vérité. » Nous aussi, nous enseignons que la délectation est une condition nécessaire de la béatitude, de la même manière que la chaleur est une condition nécessaire du feu, à savoir comme chose concomitante. Toutes les fois, en effet, que l'appétit se repose dans le bien obtenu, il y a délectation. La béatitude, qui est la possession du souverain bien, est nécessairement accompagnée du plaisir que produit la vue de Dieu. Note. Ne craignez pas que cette délectation entrave l'action de l'intelligence, bien différente de la délectation sensuelle qui est contraire à la raison, celle-là est plutôt un secours pour l'intelligence, car ce qui plaît se fait avec plus d'ardeur et de continuité. Fin de la note. 2. La délectation, dans la béatitude, est-elle supérieure à la vision? On ne doit pas hésiter à dire que la béatitude consiste encore plus dans la vision que dans la délectation. Quand on demande la raison de cette assertion, il faut faire observer que, la cause étant supérieure à l'effet, la vue de Dieu, dans la béatitude, est un bien plus fondamental que la délectation qui l'accompagne. Et, en effet, lorsque la volonté trouve son repos et, par suite, sa délectation dans une opération de l'intelligence, telle que la vision, c'est à cause de la bonté même de cette opération. Il en résulte que l'opération qui satisfait la volonté est son bien principal, et non son repos même. L'Esprit divin, en donnant ses lois aux créatures, a mis les jouissances en rapport avec les opérations. Aux animaux, dont la perception sensitive s'arrête au bien particulier, il a permis de rechercher l'opération pour le plaisir, mais il n'a pas voulu que l'homme qui, par son intelligence, s'élève à la raison universelle du bien, dont la délectation est la conséquence, se proposa le plaisir avant le bien. La charité elle-même ne cherche pas le bien qu'elle aime à cause du plaisir, quoique le plaisir suive la possession de ce bien, elle se propose pour fin spéciale, non pas la délectation, mais la vision qui rend la fin dernière présente. Note. Ô vous qui conviez aux délices du paradis, disait un philosophe persan, ce n'est pas le paradis que je cherche, mais celui qui a fait le paradis. Confère Nicolas. Fin de la note. 3. La compréhension est-elle requise pour la béatitude? À propos de ces paroles que nous lisons dans saint Paul, courez pour comprendre, on a demandé si la compréhension est incluse dans la béatitude. Comprendre a deux exceptions. Si, par ce mot, on entend que l'objet compris est embrassé par le sujet qui le saisit, il est hors de doute qu'un esprit fini ne comprend pas Dieu, qui est infini, tout ce qu'embrasse l'être fini est fini. Mais comme, dans un autre sens, le même mot signifie percevoir un objet déjà présent, il est indubitable que la compréhension fait partie de la béatitude, car l'homme tend à sa fin dernière par son intelligence et par sa volonté, et dès lors trois conditions doivent concourir à sa béatitude, la vision, qui est la connaissance parfaite de la fin dernière, la compréhension, qui implique la présence de cette fin, et la délectation, qui est le repos du sujet aimant dans l'objet aimé. Note. Quand un homme en est à un autre, on dit qu'il le tient ou le saisit, compréhendite, c'est ce genre de compréhension qui est requis pour la béatitude. Fin de la note. 4. La droiture de la volonté est-elle requise pour la béatitude? Bienheureux, dit le Sauveur, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Et saint Paul écrit aux Hébreux 12, 14, faites en sorte d'avoir la paix avec tout le monde et de conserver la sainteté, sans laquelle personne ne verra Dieu. Point donc de béatitude sans une volonté droite. La rectitude de la volonté est, effectivement, nécessaire à la béatitude d'une manière antécédente et concomitante, antécédente, comme étant une disposition requise pour la fin dernière, à laquelle nul n'arrive sans elle, concomitante. Parce que celui qui voit l'essence divine aime nécessairement tout ce qu'il aime par rapport à Dieu, ce qui maintient sa volonté dans la droiture. 5. Le corps est-il requis pour la béatitude? Il y a des auteurs qui ont prétendu que l'âme ne saurait jouir de la béatitude sans être réunie à son corps. On les réfute victorieusement, d'abord, par l'autorité de saint Paul, qui, dans une de ses épîtres, enseigne que la claire vue de Dieu est le partage des âmes justes, aussitôt qu'elles sont sorties de la prison du corps. 2 Corinthiens 5, 6, car, du moment que les âmes ont la claire vue de Dieu, elles jouissent de la béatitude. De là ces paroles de l'Apocalypse. 14, 13, bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur. On leur oppose ensuite la raison elle-même. Pourquoi le corps serait-il essentiellement nécessaire à la béatitude qui, comme nous l'avons vu, consiste dans la vision de l'essence divine? Serait-ce que l'essence divine se verrait par des images sensibles? Tout le monde sait qu'il n'en est pas ainsi. Ne confondons pas la béatitude avec le bonheur imparfait de la terre, où notre intelligence n'agit point sans organes corporels. Il est certain que, pour contempler l'essence divine, l'âme n'a aucun besoin du corps, et, dès lors, rien ne s'oppose à son bonheur parfait dans l'autre vie avant la résurrection de la chair. Note. Le corps n'est pas absolument nécessaire à la béatitude de l'âme, voilà ce qui est incontestable. Mais, quand on considère, d'une part, que l'âme séparée du corps, bien qu'elle subsiste dans son être et puisse avoir ainsi une opération parfaite, n'a pas cependant la perfection naturelle d'après laquelle elle est faite pour être la forme du corps, et, d'un autre côté, que le corps, en se réunissant à elle, améliore, par conséquent, sa manière d'être. On conçoit aisément qu'elle sera plus heureuse après sa réunion au corps. Elle aura alors un accroissement de bonheur par extension, puisqu'elle aura une opération plus parfaite, étant elle-même plus parfaite dans sa nature. Tant qu'elle est séparée du corps, elle ne jouit pas complètement, comme elle le désire, du bien suprême qu'elle possède, tout en se reposant en Dieu, elle voudrait que son corps fût associé à sa jouissance. 6. La perfection du corps est-elle requise pour la béatitude? Vous verrez, dit Isaïe 66, 14, et votre cœur se réjouira, et vos os germeront comme l'herbe. Ces paroles nous montrent que Dieu promet aux saints pour récompense trois choses, la vision, la joie et la bonne disposition du corps. Il est naturel à l'âme d'être unie à son corps. Or, il ne se peut pas qu'elle en répudie la perfection naturelle, d'autant plus que les biens du corps peuvent certainement contribuer à l'éclat et à la perfection de la béatitude. Présentement le corps l'appesantit, mais il n'en sera plus de même lorsque, de corps animal, il sera devenu un corps spirituel parfaitement soumis. Loin d'être pour elle un fardeau, il lui deviendra une source de gloire. La plénitude du bonheur de l'âme rejaillira sur lui pour le rendre incorruptible, et, au lieu de gêner l'élévation de l'esprit, il la secondera plutôt. Il entrera lui-même en possession du bonheur suprême par le moyen de l'âme, qui fera refluer sur lui sa propre béatitude. 7. Les biens extérieurs sont-ils nécessaires à la béatitude? Qu'y a-t-il pour moi dans le ciel, s'écrie le psalmiste, et que désirais-je sur la terre, sinon vous, ô mon Dieu? Psaume 72, 25. N'est-ce pas comme s'il disait, m'attacher à Dieu, voilà l'unique objet digne de mon envie? Donc, aucun autre bien que Dieu n'est requis pour la béatitude. À la béatitude imparfaite d'ici-bas appartiennent les biens extérieurs, parce que l'homme a besoin de ce qui est nécessaire au corps pour accomplir les devoirs de la vertu, non seulement dans la vie active, mais encore dans la vie contemplative. Pour la béatitude parfaite, qui consiste à voir Dieu, ils ne sont nullement nécessaires. La raison n'est que tous ces biens extérieurs ils n'ont rapport, en définitive, qu'au soutien du corps animal ou à des opérations exercées par le corps animal, au lieu que la béatitude parfaite existe ou dans l'âme séparée du corps, ou bien dans l'âme réunie à son corps devenu spirituel. Ainsi les biens extérieurs, qui sont destinés à la vie animale, ne conviennent nullement à la vie éternelle, où nous jouirons de la vue de Dieu. Ne voyons-nous pas, dès maintenant, que la vie contemplative, qui est la plus parfaite, parce qu'elle a une plus grande ressemblance avec Dieu, est moins dépendante que tout autre de ces sortes de biens? Note. L'Écriture, dira-t-on, promet au sein des biens extérieurs. Ainsi, nous lisons dans Saint Luc, 22, 30, « Je vous prépare le royaume céleste, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table, et dans Saint Matthieu, 6, 20, amassez-vous des trésors pour le ciel. » Il faudrait être bien insensé pour prendre à la lettre des expressions qui ne doivent s'entendre que métaphoriquement. Qui ne sait que les saintes écritures, pour nous porter à désirer les biens spirituels avec plus d'ardeur, les désigne d'ordinaire sous des emblèmes empruntés aux choses sensibles. La béatitude, dira cet autre, est un état parfait qui résulte de la réunion de tous les biens, et, conséquemment, elle contient des biens extérieurs. Dire que la béatitude est la réunion de tous les biens, c'est dire, non pas qu'elle contient des biens extérieurs, mais que tout ce qu'il y a de bon dans les êtres se rencontre dans celui qui en est l'auteur par excellence, et que tout ce que les biens extérieurs renferment de réellement bon sera possédé dans la source même de toute bonté. Fin de la note. 8. La société des amis est-elle requise pour la béatitude? La société des amis n'est pas essentiellement nécessaire à la béatitude, puisque l'homme trouve en Dieu la plénitude de sa perfection. Cependant, ce n'est pas une chose indifférente pour les bienheureux de se voir les uns les autres et de jouir des charmes d'une société mutuelle. Cette société, seul secours extérieur qu'ils puissent recevoir, concourt au perfectionnement et à l'achèvement de leur béatitude. Note. Quand il n'y aurait qu'une seule âme au ciel, elle serait heureuse, quoiqu'elle n'eût pas de prochain, mais, le prochain existant, l'amitié est une conséquence de l'amour de Dieu, et c'est ainsi qu'elle accompagne la béatitude parfaite. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020